deux grandes longues cuillères blanches dont l'utilité a surtout été en fait de nous aider à retirer la partie des ferments que l'on ne voulait pas garder, la partie qui est mauvaise et qui finissait malheureusement soit dans les toilettes, soit à la poubelle.